CKRL HD. Une radio haute décibel. Bonsoir les amateurs de musique progressive, vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1. C'est l'émission Terra Incognita avec les mix fabuleux de Bruno Côté. Et vous êtes en compagnie de Jean-François Lamarre et celui qu'on surnomme affectueusement le petit, c'est-à-dire Marc Chouinet. Salut Jean-François. Salut Marc. Et bon, ben c'est... On s'est vu hier soir pour le spectacle de Steve Hackett, là. On est encore un peu dans l'ambiance de on est sur un excellent high, spectacle. Oui, oui, tout à ben fait. Oui, je pense que à peu près tout le monde qu'on a vu était très content. Et c'est l'occasion de voir des visages connus. Entre autres, Michel Drolet, qui est animateur ici. Oui, pour mes amis, oui. Ben oui, puis... Stéphane Villeneuve, qui était là aussi, qui fait l'autoroute. Ben oui, mais finalement, c'était une grande fête de famille. Denis Barry aussi, qui fait l'émission L'Opinard du Chef, qui était là aussi, que j'ai rencontré à la sortie. Exactement, fait que c'est comme une grosse fête de famille. Et Steve Hackett est en forme, hein, puis il fait beaucoup d'efforts pour parler en français. C'est, moi, je trouve ça admirable. Même si lui se juge un peu sévèrement, il dit « Mon français est toujours crap ». Crap. Il a bien fait rire le monde avec ça. Mais il renouvelle son jeu de guitare, comme on en parlait. Là. On connaît les pièces de Genesis, mais il joue encore mieux qu'il jouait. Son de guitare est fabuleux. Les musiciens sont... waouh. Tout est... Ben oui, des beaux arrangements. Hein, incroyable. Puis c'est pas le répertoire de Genesis figé dans le temps. Là. Il a ajouté des cuivres là-dedans, puis il a réarrangé la guitare. Et avec les Nad Sylvan qui chante, bon, ça apporte une nouvelle couleur. Gary O'Toole, le batteur, qui a une belle voix aussi. Ben, un spectacle admirable, hein? Presque 2h30 de concert avec les meilleures pièces de Genesis et quelques-unes de Steve Hackett. C'est pas pour rien qu'il y a un super succès là, avec sa tournée mondiale, ça va super bien. Ben oui, ça se poursuit en 2014, hein? Puis ça a débuté au printemps. Donc on est bien content. Pour Steve Hackett, c'est lui qui perpétue là, la musique de Genesis à son meilleur. Effectivement, mais nous... on a tout un programme ce soir, entre autres, on a Little Atlas que tu as déjà mis, Oui. C'est un bon disque qui s'appelle Automatic D. Et, un groupe de la Floride là, qui sont à leur troisième album. Quatrième. Et celui-là, ben, je penserais que c'est le meilleur des quatre. Là. Je pense que ce groupe-là s'améliore toujours. Et c'est tant mieux de voir qu'il y a de la relève. Oui, puis il y a beaucoup de variations dans ça. Il y a beaucoup de pièces de différents styles. Là. J'en ai fait une la dernière fois. Celle que j'ai fait jouer était un peu dans le style King Crimson, la période des années 80. Mais là, je suis convaincu que celle que tu as choisie, c'est complètement une autre chose. Ben oui, ça s'appelle Apathy. Et ce sera suivi d'une nouveauté que tu n'as pas entendue encore parce que, comme moi, tu l'as eu aujourd'hui, cet après-midi. C'est le nouveau Il Tempio de la Clessidrée qui s'appelle Ali Natura. Et c'est un groupe qu'on a eu l'occasion de voir au Nirfest puis qui nous avait impressionné beaucoup. Tout à fait. La claviériste, la compositrice, elle a un beau look puis elle a un style passionné. Le bassiste aussi. Oui, c'est un groupe... qui fait un peu gothique hein, oui, dans le fait. Look. Là. Tout à fait. Puis le chanteur de Museo Rosenbach qui est toujours de la partie? Non. Pas cette fois-là. Okay. Non, il y a un nouveau chanteur qui est plus dans leur âge. Là. OK. Sans vouloir parler contre M. Lupo, celui qu'on appelle communément Lupo, il jurait un petit peu au travers de ces jeunes-là là, qui font un petit peu métal. Là. Mais leur musique est définitivement progressive. Là. C'est dans la tradition du progressif italien. Et on va finir ce bloc-là avec Deadwood Forest, qui est un souvenir que tu connais pas, Marc? Pas du tout. Oh, je pense que tu vas apprécier. Ça date de 2001 et c'est un disque qui s'appelle Mélodramatique. Et on va entendre une pièce qui s'appelle The City and the Sea. Mais on commence avec Little Atlas. ecco capovolta. Solo mi troverà nascosto in quest'angolo. Di vento e di rocce taglienti come là. Thank you. possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 10 % à chaque fois que vous faites un achat chez Sillon le disquaire au 1049 Avenue Cartier. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-pratique. Le comptoir du livre, la meilleure sélection de livres neufs et usagés en ville. Un choix d'articles unique, au cœur de la plus ancienne bouquinerie de Québec. Faites circuler la culture, soyez futé et écolo en vendant vos articles usagés. Obtenez le meilleur prix pour vos livres BD, DVD, vinyle et CD. Le comptoir du livre, la bouquinerie où l'on trouve de tout pour tous, au 726 rue Saint-Jean, 418-524-5910. Quoi de mieux que de faire la différence dans la vie de quelqu'un? Le Centre de parrainage civique de Québec est à la recherche de bénévoles désirant développer une relation d'entraide et d'amitié avec une personne vivant certaines incapacités. Pour quelques heures de temps libre par semaine, vous pourrez faire de belles activités en compagnie d'une personne filleule. En devenant parrain ou marraine civique, vous l'aiderez à briser son isolement. Informez-vous au 527 80 97 ou au cpcq.ca. Si vos invités insistent pour garder leur foulard et leur mitaine à l'intérieur de votre maison, passez à l'action. Vous pouvez leur offrir une couverture ou encore profiter du programme Réno-Climat. Réno-Climat offre de l'aide financière ainsi que des services d'évaluation énergétique. Vos rénovations éco-énergétiques vous permettront d'améliorer le confort de votre maison et vous feront réaliser des économies importantes. Consultez notre site Internet à renoclimat.gouv.qc.ca. Un message du gouvernement du Québec. Qu'est-ce que ça prend pour rendre nos enfants plus heureux? Comment faire pour qu'ils soient plus en santé, plus forts et plus confiants? Recommençons à jouer. Chez Participaction, nous croyons qu'il faut sortir les casques de vélo des boulamites et rejouer à la cachette. Donnons-leur 60 minutes par jour de l'activité physique qui nous gardait heureux et en santé quand nous étions jeunes. Recommençons à jouer. Participaction, on s'active. Et nous sommes de retour, et ce premier bloc s'est terminé avec Deadwood Forest, avec l'album Mélodramatique, et postulat... Oui, une belle ambiance. Un petit peu en de la gare, hein, quand même, un petit peu, là. Mais c'est un groupe américain. Non, ça m'a pas... Non, j'ai pas tellement vu de rapprochement avec Anglagarde, mais je me sentais non. Dans une ambiance nouvelle. Bon, tant mieux. Malheureusement... Merci pour la découverte. Ce groupe-là est disparu. Oui, j'ai ressorti une couple de trucs comme ça. Là. Je pense que c'est le fun quand même de revenir des fois puis de faire découvrir des albums qui n'ont pas été connus du début des années 90 ou fin 90, en tout cas. Comme début 2001. Comme Timothée Pio, ouais, on a ressorti ça, puis bon, ça rappelle des bons souvenirs. T'avais-tu embarqué là-dedans, tout le monde, Timothée Pio? Oui. Étais-tu au concert oui. en 98? Oui. Extraordinaire, hein? Et bon, c'est quand même le fun de revivre ça un petit peu. Et ben là, on est dans le présent. C'est un nouveau disque. On dit de Peter Gabriel, mais en réalité, c'est plutôt la partie Anal Scratch Yours. C'est-à-dire que des artistes reprennent des pièces de Peter Gabriel. C'est pour donner suite à son album, le Scratch My Back, où lui-même reprenait des pièces d'artistes. Puis là, ces artistes-là, maintenant, reprennent des pièces de Gabriel. Un drôle de concept, quand même, hein. Quand on pense à David Bowie, je suis pas sûr qu'il y a besoin de se faire gratter le dos, ni Peter Gabriel non plus. Et les noms qu'il y a là-dessus... Arcade Fire non plus, là, quand on y pense. Il y a une bonne réputation. Disons que ça va assez bien, leur affaire, hein, Arcade Fire. C'est d'ailleurs eux qu'on va entendre avec la pièce Game Without Frontiers. Mais sur ce disque-là, on trouve quand même d'autres grosses pointures, comme Brian Eno, Lou Reed, Paul Simon, David Byrne. Ça sonne comme du... Il y a beau faire à Don't Remember, là, ça sonne comme du Talking Head. Là. Et Joseph Arthur a arrangé à sa façon Choc de Monkey. Bon, c'est un disque qui est quand même intéressant à écouter comme ça, là, mais bon, pour le concept, on repassera. Ensuite, on va écouter Unreal City, qui est un groupe italien qui sonne assez bien. On va écouter aussi du Comedy of Error, et finalement, Circa, ben, il date de quelques années. Toi, tu le connais. 2007. Hein? 2007. Mais il vient de ressortir avec un DVD live, avec l'album au complet. Donc, ça vient de ressortir. En passant, il y a Alan White qui est là-dessus, là, de Yes. Ben oui. C'est Billy Sherwood, non, qui est dans ça? C'est un autre des projets, multiples projets de Billy Sherwood, qui est partout. On se demande si ce gars-là dort des fois. Et il y a Tony Kay aussi, anciennement de Yes, et Jimmy Aoun, moi je connais pas ce monsieur-là. Bon, mais on va écouter une pièce de ça, si on a le temps à la fin. Donc, on commence avec Arcade Fire et Game Without Frontiers. Lottie plays with Jane. Jane plays with Willie. Willie is happy again. Sookie plays with Leo. Sasha plays with Brig. Adolf builds a bonfire. And Rico plays with it. Right. If looks could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears. Andre has a red flag, Cheyenne James is blue. They all have place to fly them all, except for in time. Dressing up in costumes, playing silly games. Hiding out in the treetops, shouting out the words. If flips could kill, they probably will. In games without frontiers, war without tears. Games without frontiers, war without tears.

if it's all the same. To me it's my life, to you it's a game. Where is the gain in all of this pain? Let her light shine on me. it's all the same. To me, it's my life. To you, it's a game. Where is the game in all of this pain? Let her light shine on me. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. La Barberie. Les artisans de La Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. Venez passer une soirée complètement folle au Musée de la Civilisation. Pour son 25e anniversaire, profitez de la journée porte ouverte le 12 octobre de 10h à minuit. Dès 17h30, assistez à des performances originales dans le hall et les salles d'exposition. Les numéros s'enchaînent dans un cabaret drôle et sensible avec Florence K, The Lost Fingers, André et ses Fred, Catherine Dorion et plusieurs autres. La fête se poursuit avec un VJ ambiance Motown et pop. La folle soirée, l'événement muséal de l'année, samedi 12 octobre au Musée de la Civilisation. C'est gratuit. mcq.org. CKRL 89.1, Québec. On aurait quasiment continué là-dessus, hein? C'est bon mauvais, ça? Oui, hein? Ça nous met dans l'ambiance. Ah oui, ça fait penser un petit peu du Laurie Anderson, des trucs comme ça. Mais jusqu'à maintenant, on a été un petit peu dans le, je dirais, le low tempo, là. Mais soyez rassurés, dans le quatrième bloc, là, ça va décaper un petit peu. Il y a du Dream Theater, du Portnoy, Sheehan, McAlpine... Et un petit peu d'Osric pour terminer, mais pour l'instant, on va aller dans un autre créneau, c'est-à-dire Simon Collins. La dernière émission, on avait fait jouer du Sound of Contact. Mais là, c'est j'ai le mis fils, pour ceux qui ne savent pas, le fils de Phil Collins, son premier fils, son premier mariage. Exactement. Qui est aussi batteur et chanteur. Oui. Et la pièce qu'on a entendue, c'était Pale Blue Dot. Une pièce avec un petit côté pop, là, mais vraiment pas déplaisant. Ce qu'on va entendre, c'est beaucoup plus dynamique. Là. Ça va s'appeler Cosmic Distant Lighter. Mais avant ça, on va entendre une pièce qui est faite en solo, c'est-à-dire le disque You Catastrophe. Et ça, c'est, disons, un petit peu heavy même. Bon, c'est un disque qui annonçait un petit peu Sound of Contact dans la mesure où il y a un petit côté pop, mais aussi plus aventureux. Et le monsieur, c'est le fils de son père. Hein, il joue de la batterie un petit peu de la même façon. Et après ça, ben, tu connais Anathema. On va écouter un peu d'Anathema qui vient de sortir un album live qui s'appelle Universal. Et il y a un DVD qui va avec ça que j'ai pas eu le temps d'écouter. Je l'ai eu seulement hier. On va entendre un extrait. Et on va entendre aussi du Arab in Aspic, le nouvel album, que moi, j'ai pas mis encore. Je l'avais oublié. Je l'avais laissé de côté. Et j'ai eu un petit peu une surprise. J'ai acheté le dernier Catatonia, qui est dans un digibook. Comme je dis souvent, la compagnie K-Scope là, nous sort des éditions incroyables, oui, oui. Ah, c'est toutes cartonnées, doubles. Ben oui. Avec le livret, là. Exactement. Mais c'est le même disque que le précédent. C'est ça qui est drôle un petit peu. Mais ils l'ont fait plus atmosphérique. En fait, c'est ce qu'on dit, là. C'est Dead Kings, là, que j'avais fait jouer peut-être deux extraits. Là. Il dit l'album a été retravaillé en créant des nouveaux moves, des nouvelles textures. C'est un petit peu spécial de sortir deux fois le même disque. Là, en tout cas, on peut pas dire non plus que c'est fourré le monde quand on voit l'objet en question. Là. Mais il y a plus le côté heavy là, qu'on retrouvait là, sur Dead Kings. Bon, c'est comme une nouvelle mode, un petit peu, hein? D'aller vers le plus... Ben, il y a Opeth qui nous a fait ça un peu, là, ou ce qui va un petit peu plus dans l'atmosphérique. Anathema, ben, c'est ça aussi, là, maintenant. Parce qu'au début, ouais, c'était beaucoup plus élevé, si on veut, là. Exactement. Puis, c'est très atmosphérique. Porcupine Tree a fait ça pendant un bout. C'est ça. Bon, ben, on va écouter de Simon Collins, on commence par ça. Puis, ce qu'on vient de nommer va jouer par la suite. thinking of tomorrow. I guess you know me by the way. Always feeding on my sorrow. Heart.

Bon, on vous avait promis une musique un petit peu plus costaude là, pour ce troisième bloc, et ça va être des promesses tenues aussi pour le quatrième, parce qu'on débute ça avec Dream Theater, un nouvel album qui s'appelle tout simplement Dream Theater. Ben oui, ça fait drôle après tant d'albums. Ben oui, comme s'ils repartaient en neuf. C'est un peu comme les Collines qui ont fait ça aussi avec leur dernier. Ben oui, c'est vrai. Puis c'était pas nécessairement un nouveau départ dans le cas, eux autres non plus. C'était, moi je trouve, une continuité. C'était comme aussi leur album, c'est comme s'il y avait tout le meilleur en un album. Est-ce que c'est le cas pour Dream Theater? Ben moi je trouve qu'il n'y a pas de renouvellement, c'est du Dream Theater, c'est bon, ça s'écoute bien encore. Ils finissent avec une pièce longue là, d'une vingtaine de minutes. Et les autres, c'est dans le style Dream Theater. Là. C'est de la continuité. C'est pas une révolution. Si vous aimez, vous allez continuer d'aimer. Sinon, ben, vous ne l'aimerez pas plus que les autres. Là. Moi, j'aime bien Dream Theater là, depuis des années. Là. J'aime bien le style, puis je trouve que c'est des bons musiciens. Ah oui, c'est des routiers maintenant. Hein? Ça fait quand même... Ben oui. Ça fait pas un temps qu'ils roulent. Hein? Ben oui, un chanteur canadien aussi... Un chanteur de Toronto. Et en deuxième, on va avoir Mike Portnoy, qui est bien connu et qui s'est associé à Derek Sherinian, un autre Dream Theater, ex-Dream Theater. Il y a Billy Sheehan puis Tony McAlpine qui viennent de sortir un album qui s'appelle Live in Tokyo, sur lequel ils reprennent des pièces de Dream Theater et de leurs groupes respectifs. Bon, ils sont partis en tournée avec ça. C'est un peu sans risque, hein. C'est du matériel qui est déjà connu. C'est quand même intéressant. On va écouter aussi une pièce d'un tribute to Ange. C'est pas français, le tribute? Ben, hommage à Ange? Un peu, hein? C'est les cousins de Mandrin qui fait référence par les fils de Mandrin de Ange. Et il me semble qu'on aurait pu dire hommage à Ange, hein? Mais non, ils ont décidé d'appeler ça tribute. On va entendre la bataille du sucre. Et ben, on va y aller pour ce dernier bloc avec Dream Theater. Start to bleed. I can see the painting come alive. Clever like an angel in disguise, moving in and out of reach. This crooked path, like a lighthouse peering through the haze, I will find the river through the rain, and I'll reach the water's edge. Shed your light on me. C'était en 2015 et Noël approchait. Et comme en 1515, les enfants attendaient. Le problème était là, bien fiers devant nos portes. Nous étions blêmes et là, devant le grand cloporte. Il n'y avait plus de sucre, la terre n'en donnait plus, l'avait creusé sépulcre et ne répondait plus. Sacarine vendait ses prières. Oui, mais alors, plus rien ne sert de racler la pierre. C'était en 2015 et Noël approchait. Et comme en 1515, les enfants attendaient. Et les heures qui filaient aussi promptes que l'oiseau. Et les chiens qui crevaient à renifler de l'eau. Il n'y avait plus de sel, la terre n'en donnait plus. Pour faire du sucre, on prit du sel. 2014, je ne sais plus. C'était Les Cousins de Mandrin, une pièce hommage à Ange. Et la pièce qu'on a entendue, c'est La bataille du sucre et Ange. Ben, on aime ou on n'aime pas, hein, c'est assez particulier. C'est assez spécial. Oui. Mais bon, moi, je serais peut-être plus dans la deuxième catégorie. Là. Je ne suis pas un gros amateur d'Ange. Non, pas tellement. Par contre, j'ai aimé beaucoup mieux ce qui a précédé, c'est-à-dire Mike Portnoy avec Billy Sheehan, Tony McAlpine. Et Derek Sherinian. Et la pièce qu'on a entendue, Stratus, c'est une pièce de Billy Cobham. C'est, ben oui, qui sera en spectacle au Palais Montcalm le 11, donc vendredi prochain. Ben oui, c'était pas intentionnel, mais finalement le timing est bon. Il faudrait souligner aussi le concert de Pendragon qui aura lieu le 19 octobre prochain à l'Impérial. Et c'est la première visite, en première partie. Oui, c'est ça, la première visite, oui. Mm. Ça va être un show assez, très long, là, plus de 2 heures, près de 2h30 de musique. Effectivement, et comme tu disais, Red Sand en première partie. Oui, au Québec. Et oui, puis je parlais tantôt avec Jacques Dulac qui va faire l'émission L'autoroute ce soir avec, avec Vincent. Avec Vincent. Et il me disait que Tony McAlpine est très bon aussi au clavier. Là-dessus, il joue de la guitare, mais il serait très bon au clavier. Bon, moi, je connais pas plus que ça, Tony McAlpine. Je connais plus les trois autres. Et bon, ben, on prend pas de risque trop sur ce disque-là. C'est des classiques comme A Change of Season de Dream Theater. Et d'ailleurs, on avait débuté avec Dream Theater et The Bigger Picture, extrait d'un album qui s'appelle tout simplement The Dream Theater. Et ben c'est pratiquement le temps de vous souhaiter une bonne semaine et merci à Marc, merci à Bruno. Merci Jean-François pour ton choix musical. Et oui, et restez à l'écoute pour l'autoroute. Et en attendant, on écoute une petite pièce d'Osric Tentacle qui s'appelle Bizarre Bazar et c'est extrait d'une compilation qui s'appelle Introducing Osric Tentacles. Alors, une bonne semaine et restez à l'écoute.